Valérie alla causer avec son Hector. « Sors, mon chéri, » dit Valérie à l'oreille d'Hector. « Promène-toi dans la rue Vanneau. Tu reviendras lorsque tu verras sortir Crevel. » « J'aimerais mieux sortir de l'appartement, rentrer dans ta chambre par la porte du cabinet de toilette. Tu pourrais dire à Reine de me l'ouvrir. »« Reine est là-haut à soigner Lisbeth. » »« Eh bien, si je remontais chez Lisbeth. » Tout était en péril pour Valérie, qui, prévoyant une explication avec Crevel, ne voulait pas Hulot dans sa chambre, où il pourrait tout entendre. Et le Brésilien attendait chez Lisbeth. « Vraiment, vous autres hommes, » dit Valérie à Hulot, « quand vous avez une fantaisie, vous brûleriez les maisons pour y entrer. Lisbeth est dans un état à ne pas vous recevoir. Craignez-vous d'attraper un rhume dans la rue? Allez-y, ou bonsoir. » « Adieu, messieurs, » dit le baron à haute voix. Une fois attaqué dans son amour-propre de vieillard, Hulot tint à prouver qu'il pouvait faire le jeune homme en attendant l'heure du berger dans la rue, et il sortit.